Chapitre 15e, Johanna. Le capitaine se leva tôt pour se rendre compte de la situation exacte des bains tenus par Messer Numa Perfecto. Il arriva au point Adrien et de la rive du Tibre aperçut la masse imposante du château Saint-Ange. Il suivit le cours du fleuve sur une portée de mousquet et ne tarda pas à distinguer ce qu'il souhaitait. C'était un assez vaste quadrilatère de bois qui surplombait le fleuve. Construit sur pilotis, l'établissement de bain se dressait isolé. Sur la gauche, un bosquet de pins tranchait avec la nudité du lieu. À droite, un terrain vague, découvert, qui devait servir de chemin de ronde au château. De l'autre côté du fleuve, et communiquant par des galeries aux constructions de bois, s'élevait un pavillon de maçonnerie, carré, massif, à un étage, qui semblait être l'habitation du seigneur Numa Perfecto lui-même. Un jardin le prolongeait jusqu'au bois de pins, entouré de murs festonnés de lierre. Pour observer mieux les alentours, Givry traversa le pont Adrien et fit le tour des bâtiments d'assez loin toutefois. Il fut satisfait du résultat de cette inspection et rentra tout joyeux au gîte. D'Aubigné l'y attendait, il clama « Alerte, mon ami !»« Que se passe-t-il »« Je vous parlais hier du marquis de Porto Carrero, n'est-ce pas ?»« Oui, » fit Belcoeur. « Eh bien, il est averti de notre présence ici. Comment le savez-vous » Scipion a vu entrer ici ce matin de bonne heure un homme qui appartient au marquis de Porto Carrero et qui est venu s'informer de nos personnes. Hum, grommela Roselin, que ce Porto Carrero ne se trouve pas sur mon chemin. Méfiez-vous, mon ami, c'est l'ambassadeur d'Espagne. Que m'importe? Il ne craignait qu'une chose, que Johanna ne peut venir au rendez-vous de l'après-midi. Il se retira dans sa chambre pour faire néanmoins ses préparatifs, car la coquetterie s'accorde fort bien avec la bravoure. À 3 heures, le capitaine était prêt. Il eut besoin de toute sa raison pour se retenir de courir déjà au bain. Enfin, 3 quarts d'heure après, il se dirigeait vers le château d'Ange. Traversant le pont Adrien, il atteignit l'entrée de l'établissement de Numa, un grand vestibule d'allée à l'italienne en mosaïque coloriée. Une servante s'empressa et demanda au gentilhomme s'il voulait prendre un bain. Roselin répondit qu'il attendait une dame qui devait venir le retrouver tout à l'heure. « Alors, signor, bonne chance !» fit la camériste en accompagnant cette phrase d'une mine expressive, car elle s'était aperçue, au langage du baron, qu'elle avait affaire à un étranger. Il s'assit sur une banquette et attendit donc, dévoré de fièvre. Soudain, une porte s'ouvrit et un homme parut, gros comme un courte de boutique, chauve, la mine gaie et fleurie. « Venez, signor, » dit-il, avec un signe engageant, « la dame est là !» Et plus bas, il murmura, « Je suis Numa Perfecto !» Givry suivit allègrement le bonhomme. Par un long couloir, Numa le mena à une pièce qu'il avait vue sur le fleuve. Belcoeur se rendit compte qu'il était dans le pavillon de maçonnerie, car d'une fenêtre, il apercevait à sa gauche l'établissement de bain avec ses pilotis, et d'une autre fenêtre, en sens opposé, il découvrait le bois de pin et les arbres fruitiers du petit jardin. L'hôte s'était éclipsé. Seul, debout au milieu de la chambre, Belcoeur regarda autour de lui. Le mobilier était sommaire. Deux fauteuils, deux chaises, un guéridon de marbre, une table massive de chêne, un divan de Venise et un bahut garnissaient la pièce. Il n'eut pas le temps d'en examiner davantage. Une porte, en face de lui, tourna sur ses gonds et une forme féminine s'encadra dans le seuil. « Vous ! » s'écria Roselin, le cœur battant d'émoi. Il avait reconnu la comtesse et se précipitait vers elle, tout frémissant de joie et de tendresse ardente. Il répétait d'une voix vibrante comme une viole d'amour. « Vous, c'est vous, enfin !» Attendrie et triomphante, heureuse de ces transports inattendus, Johanna murmura. « Mais oui, c'est moi, grand fou. Vous êtes donc si désireux de me voir. Et vous auriez été déçu si j'avais manqué de parole. Que vous dire? Regardez-moi, sans débattre mon cœur. Voyez l'adoration de mes yeux, le frémissement de mes lèvres, la fièvre de tout mon corps. Si je n'étais pas venu, insista-t-elle, alors... proféra Belcoeur d'une voix sourde. « Oh, par Dieu, je l'aurais tué !» Et elle sursauta. « Qui donc auriez-vous tué ?»« Lui !» balbutia Roselin. Il venait de comprendre soudain que, emporté par la passion, il avait trop parlé. Johanna, toute pâle, s'était reculée, élevant son bras pour empêcher Belcoeur de s'approcher d'elle, de l'étreindre. « De qui voulez-vous parler » demanda-t-elle, en proie à un trouble étrange. « Deux personnes. « Mamie, ne faites pas attention, je suis fou. Vous l'avez dit tout à l'heure, un grand fou. »« Non, » déclara la comtesse froidement, « je veux savoir. » Tout haut, il prononça gravement. « Je sais, ma très belle aimée, que vous n'êtes pas libre. Je connais le nom de celui qui vous tient si durement en son pouvoir. Je n'ignore pas non plus combien ce lien vous pèse. Et je vous excuse, je vous admire, je vous aime. Je suis tout à vous, prêt à vous protéger, à vous défendre, à faire pour vous ce que vous m'ordonnerez, mon étoile. » Il s'était mis à genoux devant la jeune femme qui, debout, immobile, muette, semblait méditer profondément. Puis deux larmes, diamants liquides, coulèrent de ses beaux yeux noirs et elle murmura. « Ah, vous savez, cela vaut mieux peut-être. Un jour ou l'autre, vous auriez tout appris. Mais par grâce, mon ami, si vous m'aimez, ne me reparlez pas de cet homme. Je vous le promets, » s'exclama Roselin, heureux de voir que l'incident se terminait si favorablement. « Sachez seulement, mon ange, qu'un cœur loyal et vaillant vous appartient, que vous pourrez en disposer à votre guise, et qu'au jour et à l'heure qui vous plairont, je serai prêt à mourir pour vous. « Merci, mon beau chevalier, » fit-elle avec un éclair de joie au milieu de ses pleurs. Étendant la main au gentilhomme, elle ajouta « Venez ça, me dire comment vous avez pu m'aimer si vite et si fort, et d'abord comment vous m'aimez, car cet amour est-il bien sincère ?» Elle attirait Câline vers le divan de Venise. Ils s'y assirent l'un près de l'autre et Belcoeur, entourant doucement la taille de la jeune femme, garda dans sa main la petite main fine et blanche. « Ah, répondit-il, c'est un acte d'adoration que vous désirez. Eh bien, ma Johanna, je vous aime parce que vous êtes jeune et belle et fine et séduisante, parce que vos cheveux sont noirs et bouclés, noirs et immenses vos yeux, rouges et attirants de vos lèvres, que je meurs de l'envie de baiser à la folie. » Elle rit, tout énamourée, et dit « Le compliment me touche. Contentez votre envie, Seigneur. » Et le capitaine, tout pantelant d'émoi, mit sa bouche sur ses lèvres voluptueuses et enivrantes pour tourner plus vite les pages de ce merveilleux livre d'amour. Et les instants passaient, enivrants, divins, rapides. Il y avait 2 heures presque que les amants étaient réunis.